J'adore. C'est le son qu'ils font en secouant leur cage. Le spectacle va bientôt commencer. D'un côté, les hélicos, la police municipale qui se montrera incompétente devant toutes les caméras imaginables. Et de l'autre, les pouilleux, les insectes bourdonnants qui rampent trois rues pour aller se mettre la tête sur le bio. Mais il serait faux d'affirmer que tout se fera inesthétique et sans conséquences. Peu importe comment se termine la confrontation, c'est moi qui gagne. Faut avoir le sens de l'humour. Katia? Dis-je en m'adressant à l'interphone. Bill? Répond ma secrétaire. Eau gazéifiée. Glace. Oui, Bill. J'hésite une seconde avant d'ajouter. Un zeste de citron. Non. Lime. Oui, Bill. Termine Katia. Le climat est contrôlé dans l'arcologie. 21 degrés à longueur d'année. Température idéale. C'est scientifiquement prouvé. Mais je sais pas. La canicule dehors, toute cette sueur se sent bouillonnant. J'ai soif. Ma chaise capitonnée pivote, détournant mon regard de la boucherie qui se prépare 30 étages plus bas. Le cuir synthétique craque. Trois de l'eau projection m'accueillent. J'y jette un regard furtif. Les images filent à une vitesse nauséeuse, augmentée par des fresques sémantiques autonomes. Date, chiffres, projection. Le premier écran traque l'état de mon royaume. Les agrégats du marché mondial, les courbes multiformes, les index jusqu'aux fines ramifications des sociétés que je contrôle. Des chiffres et des flèches oscillant au rythme effréné des microtransactions. Des lettres qui désignent ma banque, ma corporation, ma volonté. Les projections sont vertigineuses. C'est vraiment ce que je préfère. Dans les lignes de code, l'événement K se dessine. C'est le futur. Le deuxième écran représente l'activité d'un sous-programme que j'ai acquis l'an dernier d'un autiste norvégien. Le logiciel analyse le fil médiatique, les nouvelles, leurs flux, leurs bruits. Il en trie le contenu pertinent basé sur un logarithme de mots, d'intonations, d'expressions faciales calculées et balancées, avec un faible pourcentage d'erreurs. Les médias. Mes commentateurs. Ma ligne éditoriale. La sculpture de la conscience de masse, façonnée à coups de cisailles et d'opinions. Et le dernier écran recherche mon oiseau rare, cette beauté, l'impossible fleur de glace. Première tentative. Pour l'instant, les visages défilent à travers 34 banques de données internationales, comparant la taille du nez, la distance entre les yeux, l'angle du menton. Je la trouverai. Elle sera à moi. Elle sera parfaite. Elle l'est. Parfaite. Un pan de mur glisse sans bruit, révélant la forme appropriée de ma secrétaire. Katia entre, sourire parfaitement calculé, lunettes dernier cri. Sa jupe est courte, serrée, ça me convient. Professionnelle dans tout, elle marche d'un pas confiant, me tend le verre de cristal, pétillant d'une eau piochée à même un glacier quelque part, là où il en reste. Katia est une bonne employée. Son conditionnement technologique est actuel, ses chirurgies impeccables. Et que dire de son café? Pour une femme qui vient d'un pays de merde où les gens mangent de la boue et des roches, elle s'est bien débrouillée. Mais ses yeux fuient toujours les miens. Ça me dérange. Je la gratifie d'un de mes meilleurs sourires, semi-paternel. Aujourd'hui, je la conforte dans son travail. Demain, je la réprimanderai. Sans hésiter, Katia fait demi-tour et quitte mon bureau. J'en profite pour lorgner son arrière-train. À nouveau seule, je reste dans le doute. Est-ce que Katia a découvert ce que je suis? Elle passe beaucoup de temps avec moi. Il est concevable qu'elle ait vu derrière mon jeu les fissures, si infinitésimales soient-elles, de ma façade. C'est pas impossible. Qu'importe. C'est une erreur de croire que tous les psychopathes sont violents. La grande majorité d'entre nous est trop intelligente pour ça. On s'adapte, on s'intègre. Notre survie en dépend. Loin d'être tous des fous écumants d'asile psychiatrique, nous sommes toutefois pas capables de ressentir une once d'empathie. Et c'est une bénédiction. C'est ce qui nous permet d'exceller. On ressent pas le stress comme le commun des mortels. C'est une chance. 1% de la population mondiale. Plus ou moins. Ça fait beaucoup de monde. Nous sommes efficaces, stratégiques. Surtout quand on en vient aux décisions difficiles. Celles que le reste est incapable d'assumer. Le reste, tous ceux qui nous ont mis là. À chaque crise, et les crises sont perpétuelles, ils se retournent vers nous, suppliants. Avec leurs élections, leurs votes, leurs comptes en banque. Qu'importe le système, depuis 10 000 ans, nommez-le. Le sommet de la pyramide est réservé aux psychos. Nous sommes le top de la foutue chaîne alimentaire. L'autre race humaine. L'anomalie qui triomphe dans la compétition. Le triage se fait dans les rangs de la hiérarchie. Avec 2 neurones et une solide paire de couilles, n'importe qui peut monter les premiers barreaux de l'échelle. Mais sous le stress, les gens normaux font des ulcères, de l'insomnie, des dépressions nerveuses, des burn-out. Ils se voient dans ceux qui doivent piétiner tôt ou tard, et ça les ronge. Le tamis de la santé mentale retient ces imbéciles d'aller plus haut, tandis que les gens comme moi grimpent, pulvérisent les records, jouissent dans des draps de soie et sirotent de l'eau de glacier dans des verres de cristal. C'est la raison pour laquelle je suis ici, que la pointe est là-bas. C'est la gloire des gènes, d'une série de séquences mathématiques. Une fraction est toute sa beauté. 1%. 1% des gens sont des psychopathes. 1% des gens ont tout le fric, le pouvoir, les honneurs. Je suis là, au point de rencontre des axes, parfaitement conscient de ce que je suis et absolument en paix. On m'a créé, on m'a tout donné et j'ai tout pris. Je suis confortable. Le spectacle peut commencer.